Le 7-9 sur France Inter. Bonjour François Morel. Bonjour Bruno. Aujourd'hui, un invité dans cette chronique du vendredi, un invité spécial, je dirais même de prestige. Nous avions pris ce rendez-vous de longue date, nous avions convenu ensemble qu'une invitation au lendemain de Noël serait préférable pour lui, dont l'emploi du temps était extrêmement chargé jusqu'au 25 décembre. Très gentiment, il nous avait réservé l'exclusivité de sa présence sur France Inter et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Preuve de son importance médiatique, notre directrice de France Inter, Laurence Bloch, fait le pied de grue derrière la porte du studio, comme quand on reçoit le Premier ministre, le directeur de Radio France, Ounabila. Merci Père Noël d'être présent sur France Inter. C'est un plaisir, comme d'habitude. Cette rencontre avait initialement pour but de faire un premier bilan à chaud de la nuit de Noël. L'un dans l'autre, ça s'est bien passé. Oui, mais enfin, si nous vous remercions d'avoir maintenu et honoré notre invitation ce matin, c'est parce que la semaine dernière, et nous ne pouvons faire autrement que d'évoquer cette affaire, une polémique précédée d'une rumeur a éclaté. Aucune question ne me dérange. Je rappelle que cette affaire a été lancée par la petite Charlotte, 5 ans et demi, qui le 16 décembre était au pied du sapin en compagnie de sa mère Sandrine. C'est ça. Sandrine était en train d'apporter les dernières finitions à la décoration du sapin. Et puis la consternation, Charlotte aurait dit ces paroles lourdes de sens. De toute façon, le Père Noël, il n'existe pas. Des mots, Monsieur Morel. Des mots qui font mal, qui atteignent mon intégrité, mon honneur, et je dirais même ma raison d'être. D'autant, Père Noël, que l'affaire n'en est pas restée là. Ben non. Le frère de Charlotte, Gustave, 9 ans en février, qui était en train de découvrir le merveilleux album de Pierre et le Loup, interprété notamment par l'orchestre de Radio France, mais nous ne sommes surtout pas là pour en faire la publicité, est alors sorti de sa chambre et aurait dit cette phrase particulièrement énigmatique, « Bien sûr que le Père Noël, il n'existe pas. D'abord, le Père Noël, c'est les parents. » Qu'est-ce qu'on ressent, Père Noël, quand on entend ce genre d'affirmation ? On est secoué, Monsieur Morel. On est bouleversé. Comment vous réagiriez, vous, si on vous disait « le Père Morel, c'est les parents » ? Je sais pas. Je sais pas. Eh ben, je vais vous le dire ! On a envie de tout arrêter. Et puis, heureusement, la raison reprend le dessus. On remonte sur son cheval, enfin, je veux dire, sur son renne, et on repart vers l'avant. Il faut un certain courage. Je n'avais pas le choix. J'avais des millions de jouets dans mon traîneau. Je ne pouvais pas abandonner tout ça en pleine nature et décevoir tous ceux qui croient en moi. Vous imaginez également la stupeur de Sandrine qui a immédiatement appelé son mari, Jean-Dominique. Jean-Do est son diminutif. Jean-Dominique est le prénom inscrit sur ses pièces d'identité. Ah oui, c'est ça. Alors, on est obligé, excusez-moi Père Noël, d'être parfaitement précis. Oui, bien sûr. Jean-Dominique est allé à la gendarmerie. Les gendarmes n'ont pas voulu se prononcer sur le fond de l'affaire. Non. Mais il semblerait que le travail de suspicion faisait déjà son œuvre et que j'en étais la première victime. Le fils du brigadier Fauchard, Corentin Fauchard, 8 ans, aurait soutenu le lendemain même de la déposition sur la cour de récréation la thèse suivante « Ceux qui croivent au Père Noël, c'est rien que des bébés ».« Ceux qui croivent au Père Noël, c'est rien que des bébés ». Oui. Cette affaire, Monsieur Morel, je vous le dis, je vous l'affirme droit dans les yeux, n'en restera pas là. Juste après la trêve des confiseurs, j'aime autant vous dire que je contacterai mes avocats et j'irai devant les tribunaux pour me défendre. Et surtout défendre tous ceux qui me font confiance depuis des centaines d'années et qui m'attendent avec espoir et impatience. Merci Père Noël. Et je vous en prie. Merci beaucoup. Et merci François Morel pour ce scoop ce matin sur France Inter. Je prie. Cadeau du Père Noël qui a des lunettes, on le découvre. Comme matin, Adjani, quand il est un petit peu comme fatigué, la semaine dernière, plus petite. Père Noël qui était incarné par Alain Pralon, merci beaucoup à vous.